أن رهطا أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من علق تميمة فقد أشرك. روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا وضع الله له. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تعليق التميمة شرك بالله ولم يمد يده لمبايعة معلق التميمة ودعا على كل معلق للتميمة بأن لا يتم الله أمره وأن لا يبقى له دعة ولا راحة ولا سكونا. وجاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه وما أعظمها من خسارة خسارة دنيوية وأخروية. عندما يوكل الشخص إلى خرزة أو خيط أو حبل ونحو ذلك مما لا ينفعه شيئا بل يضره ضررا عظيما كما تقدم في قول نبينا عليه الصلاة والسلام أما إنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذه عقوبة من الله لمعلق هذه الأشياء بنقيض قصده، علقها ليتم أمره وليحصل دعة وراحة وسكونا فلم تزده إلا وهنا، فلم تسلم له صحة ولم يسلم له توحيد وإيمان، فيكون بهذه الصنيع لم يحافظ على رأس ماله وهو التوحيد ولم يحصل ربحا ولا فائدة بتعليقه هذه الأشياء بل نال ضررا بحتا ووهنا وضعفا. serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille et craignez-le comme celui qui sait justement que ce Seigneur le regarde et qu'il le voit lorsque il est seul et qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il sait que ce, il sait ce que vous faites. Mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui met sa confiance en lui, Allah lui suffit. Et celui qui se tourne vers lui pour avoir son aide, Allah l'aide et le guide. C'est en sa main que toutes les choses sont tenues, et c'est lui qui détient les voies des cieux et de la terre. Personne ne peut lâcher ce qu'il tient et personne ne peut retenir ce qu'il laisse. Et celui que Allah élève, personne ne peut le rabaisser et celui que Allah rabaisse, personne ne peut l'élever. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, dis ô Muhammad à ces hommes, à ces gens, ne vois-tu pas ce que vous invoquez ou ne voyez-vous pas, en s'adressant aux mushrikines, ne voyez-vous pas ce que vous invoquez, ce que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah m'a voulu un mal quelconque, est-ce que ces idoles ou ces choses que vous adorez en dehors d'Allah, est-ce qu'elles sont capables de retirer ce mal? Et si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour moi une miséricorde quelconque, est-ce qu'elles sont capables de retenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de m'atteindre? Dis, c'est Allah seul qui me suffit. Et c'est en lui que ceux qui mettent leur confiance doivent mettre leur confiance. Serviteur d'Allah, la religion de l'islam est une religion immense, une grande religion qui est fondée et basée sur le fait de compléter et de parfaire la religion des serviteurs en repoussant toute forme d'idolâtrie et de paganisme et toutes les formes d'attachement aux créatures dans l'adoration et qui vient compléter la raison et l'intelligence de l'homme en repoussant toute forme de superstition et de délire et de fausseté. Et cette religion pousse l'être humain vers les choses élevées, les choses qui sont bénéfiques, et amène les gens à ce qui est plus proche de l'intelligence et de la purification de l'âme et de l'état des serviteurs, que ce soit les états des affaires de la vie d'ici-bas ou des choses de la religion. Serviteur d'Allah, parmi les superstitions que l'islam est venu interdire et est venu combattre, et qui est en accord avec l'intelligence et la raison propre et saine, il y a le fait que l'islam est venu rejeter le fait de s'accrocher à ce qu'on appelle les talismans ou les amulettes ou les porte-bonheur que les gens portent, soit pour se préserver d'un mal ou soit pour repousser un mal une fois qu'il nous a atteints. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui continuent à s'accrocher et à porter ce genre de porte-bonheur et ce genre d'amulettes et ce genre de talismans pour essayer de se protéger contre un mal quelconque ou pour essayer de rapprocher un bien, alors que l'islam est venu combattre ce genre de pratiques et ce genre de coutumes totalement étrangères à l'islam et basées sur l'idolâtrie et la mécréance. Et donc l'islam est venu rejeter ça, et il y a de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent confirmer que ces formes de talismans, ces formes d'amulettes et ces formes de porte-bonheur ont été interdits par l'islam. Peu importe le type ou la catégorie ou la forme de cette amulette ou de ce porte-bonheur ou de ce talisman. Parce qu'on sait qu'il y en a de toutes les sortes et de toutes les formes. Il y a rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad selon Imran ibn Hussein. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu sur le bras d'un homme un bracelet de cuivre. Et cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: pourquoi tu as mis ce bracelet de cuivre sur ton bras? Il a dit: je le porte pour me préserver d'une maladie quelconque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant: ce bracelet ne fera que t'augmenter dans cette maladie. Jette-le, ce bracelet. Parce que si tu meurs alors que tu le portes, il ne fera que t'augmenter. Il dit: si tu meurs alors que tu le portes, tu n'auras jamais le succès. Ma aflahta abadan. Et donc, il faut réfléchir donc à cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné le fait de porter ce genre de choses. Approchez-vous un peu pour laisser de l'espace pour ceux qui arrivent. L'exemple également dans un autre hadith qui est rapporté dans la Musnad également de l'imam Ahmad selon Uqbat ibn Amir, qui mentionne qu'un groupe, c'est-à-dire ils n'étaient pas encore convertis à l'islam, mais ils voulaient se convertir, et ils étaient du nombre de 10. Parmi les 10, il y en a un à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté son allégeance et son serment. Il a accepté le serment de 9 d'entre eux, mais le 10e, il ne l'a pas accepté. Alors les gens ont demandé au messager d'Allah: pourquoi tu n'as pas accepté son serment d'allégeance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il porte une amulette. Alors au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la raison pour laquelle il n'a pas accepté son serment, c'est parce qu'il portait une amulette, l'homme a pris la corde qui tenait cette amulette dans son cou, et il l'a arrachée et il l'a jetée. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son allégeance et son serment d'allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là: celui qui accroche une amulette, il a commis du shirk, c'est-à-dire il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche une amulette, que Allah ne lui donne pas ce qu'il veut et ne le complète pas dans ses affaires. Celui qui accroche une amulette ou un porte-bonheur de ce genre, eh bien qu'il ne trouve pas la paix et la sérénité. Donc c'est pour dire que la chose pour laquelle la personne a porté soit une amulette ou un porte-bonheur ou un talisman, eh bien c'est le contraire de la raison pour laquelle il l'a porté qui va lui arriver. S'il voulait se protéger d'une maladie, il va être encore plus malade. S'il voulait avoir la paix et la tranquillité, il va avoir encore plus de problèmes et de troubles. Et ça, c'est la punition qui atteint la personne qui s'accroche le cœur à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans Jami' al-Tirmidhi, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche quelque chose, que ce soit une amulette ou un porte-bonheur ou autre chose, eh bien, il sera abandonné à celle-ci. Il sera abandonné à celle-ci. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'aider. Et il va le laisser se débrouiller avec la chose qu'il a accrochée à son cou. Allah l'abandonne parce qu'il a abandonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, peu importe la forme, que ce soit avec un collier, ou que ce soit avec un bracelet ou une corde, que c'est accroché au cou ou au bras ou à la jambe ou à la hanche, ou peu importe où on l'accroche, ou même sur notre voiture ou sur notre monture ou sur nos enfants, celui qui accroche ce genre d'amulette, il a commis du shirk. Et non seulement il est puni dans cette dunya par le contraire de ce qu'il a recherché, mais en même temps c'est quelque chose qui affecte son tawhid et sa foi, puisqu'il se base sur ces choses-là plutôt que de revenir à Allah pour chercher la protection. والعاقل الحصيف لا يلتفت أبدا إلى شيء من تلك الخرافات والضلالات بأي لباس ألبست وبأي صفة عرضت فالخرافة تبقى خرافة وتتنافى مع الإسلام وتتنافى مع العقول السليمة. عباد الله، لقد اتخذت هذه الخرافة خرافة تعليق الحروز والتمائم في زماننا هذا، اتخذت صورا متنوعات وأشكالا متعددات، فأصبح يروج لأنواع من الأساور يزعم أن فيها شفاء وعافية ودفعا ورفعا، ويروج لأنواع من الأحجار توصف بأنها أحجار كريمة وأنها تنفع في كذا وتمنع من كذا، ويروج بشكل واسع لأشكال من هندسيات إما سداسية أو غير ذلك، ويقال ثبت بالتجارب أنها نافعة في كذا أو أنه مانعة من كذا، ويروج لعين لونها أزرق توضع في يد أو نحو ذلك، أو في خاتم أو سلسال أو تعلق في السيارة ويزعم أنها واقية وأنها نافعة دافعة، إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. Serviteur d'Allah, la personne intelligente, elle ne donne aucune importance à ce genre de superstition et ce genre de pratiques païennes, ce genre de pratiques qui sont contraires à la foi islamique et au tawhid. Et il ne donne à ces superstitions aucune valeur, peu importe la forme qu'on leur donne, parce qu'elles sont en contradiction avec l'islam et en contradiction avec la raison. Et sachez que, à notre époque, c'est cette superstition de porter des talismans, des porte-bonheur, des amulettes, a pris différentes formes et différentes descriptions, différentes sortes d'apparences. Et vous avez sûrement tous vu l'exemple de ce que les gens portent comme un œil bleu, hein, qu'ils mettent dans une main et qu'ils accrochent dans leur cou comme pendentif, ou bien qu'ils mettent dans une chaîne, ou bien ils l'accrochent dans leur voiture, ou même parfois dans leur commerce. S'ils ont un magasin, un restaurant, ils vont mettre cet œil avec une main ou des choses de ce genre. Et ils pensent que cette chose va les préserver contre le mauvais œil ou contre les mauvais sorts ou contre les mauvais présages ou des choses de ce genre. Et il n'y a pas de doute que tout ça fait partie du shirk. Il y a d'autres formes de talismans, d'amulettes qui sont faites par des sorciers ou des marabouts qui consultent les djinns et qui ont rapport avec les shayatins, et ils écrivent des paroles sur des papiers avec du sang ou avec des impuretés, et ils font du sihr, de la sorcellerie et de la magie, et ils l'enferment dans une poche de cuir qu'ils couent avec du fil, et après ils disent à la personne: mets ça sur ton bras, ou mets ça sur ta jambe, ou mets ça à l'endroit où tu as mal et tu vas être guéri. Et ça, c'est souvent basé sur du shirk. Ou parfois c'est porté dans une bague que quelqu'un a mis à l'intérieur un talisman. Et il y a différentes formes et différents styles de ce genre de choses. Et tout ça, c'est basé sur le shirk et sur les superstitions qui sont contraires à l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه إلى هذا الدين العظيم دين الكمال والرفعة والسمو والعلو لا يقع في شيء من تلك الخرافات بما أمده الله سبحانه من تعاليه من بينات وهدايات واضحات أفادها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا في حديث عبد الله بن عكيم المتقدم في قصة أن نفرا أتوه في مرضه وقد اشتد به المرض فقالوا له ألا تعلق شيئا شيئا أي ينفعك من هذا الذي تعانيه من شدة مرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة وكل إليه فعصمه الله ونجاه بما من الله عليه به من دراية ومعرفة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهل الخرافة ينشطون في نشرها وترويجها عبر وسائل كثيرة كالقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت وغيرها، فعلى أهل الحق أن يسعوا في نشر الحق وبيانه وإبرازه وإيضاحه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. عباد الله، عندما يتحدث عن رواج الخرافة فإن رواجها إنما يكون في أناس ضعف حظهم ونصيبهم من العلم الشرعي بآياته البينات وحججه الواضحات. وهذا عباد الله يؤكد أيما تأكيد على حاجة الناس الشديدة وضرورتهم الماسة إلى تعلم العقيدة ودراسة التوحيد والوقوف على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ترسخ العقيدة وتمكن لها في القلوب وتطرد الخرافة وتنبذها، فما أحوج الناس بل ما أشد ضرورتهم إلى ذلك. والقاعدة في هذا الباب، في باب الحروف والتمائم وما يعلق لدفع الشر أو جلب الخير، أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون من جهة الشر أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرا لا خفيا. فمن لبس الحروز والتمائم فإنه جعل سببا ليس بمأذون به في الشرع، وكذلك من جهة التجربة لا يحصل ذلك على وجه الظهور، وإنما هو مجرد اعتقاد لمن لبس هذا الشيء، فقد يوافق القدر أنه يشفع حين لبسه أو بعد لبسه ورفع الضرر أو في جلب المنافع. وهذا إنما يستقل به الله وحده وهو النافع والضار، وهو جل وعلا هو الذي يفيض الرحمة ويفيض الخير ويمسك ذلك. ولهذا بعض العلماء يعبر عما ذكر بقوله من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر. كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها: اللبس، تعليق التمائم، الحلف بغير الله، القول ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك من الأعمال والاعتقادات والأقوال الأصل فيها أن نقول أنها شرك أصغر. وقد تكون شركا أكبر بحسب الحال، يعني إن اعتقد في الحلقة أو الخيط أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر. إن اعتقد أنها ليست سبب ولكن هي التي تؤثر بنفسها، لأنها تدفع بنفسها وتدفع المرض بنفسها وتدفع العين بنفسها وليست أسبابا ولكن هي بنفسها مؤثرة، فهذا شرك بالله أكبر مخرج من الإسلام، لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله، ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية. Serviteur d'Allah, sachez que le vrai musulman, le musulman qui a compris sa religion, qui a compris le tawhid, et que Allah a guidé à cette grande religion, il s'éloigne de toutes ces pratiques, de toutes ces superstitions, parce qu'il a compris l'importance de la aqida de l'islam, la croyance islamique en le pur monothéisme, l'unicité d'Allah, et le fait que c'est Allah seul qui a le contrôle de toutes choses dans l'univers, et que c'est lui seul qui mérite notre adoration. Comme on a mentionné dans le hadith précédent, qui a été mentionné, qu'un groupe est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'un d'entre eux avait un talisman. Il est arrivé une fois que quelqu'un était très malade, et les gens sont venus le voir. Il souffrait d'une maladie. Alors quelqu'un qui n'avait pas de connaissance lui a dit, pourquoi tu ne mettrais pas quelque chose sur toi, un talisman ou ce genre d'amulette? Et il a répondu en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche quelque chose sur lui pour se protéger d'une maladie ou se repousser un mal, Allah l'abandonne à cette chose. Et donc, à cause de sa science et de sa connaissance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été préservé et sauvé de ce mal et de cet égarement du fait de porter des talismans et des amulettes. Et les gens qui propagent ce genre de pratique, le port d'amulettes, le port de porte-bonheur, le port de talismans, ce sont en général des gens qui n'ont aucune connaissance de l'islam, qui n'ont aucune connaissance profonde des principes et des fondements de la croyance islamique. Et c'est pour cette raison qu'on comprend maintenant l'importance d'étudier la aqida de l'islam, d'étudier la aqida du tawhid, de comprendre les fondements de notre religion avec les versets du Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cette connaissance, on est capable de repousser ce genre de superstition. Il reste à clarifier la règle générale pour comprendre qu'est-ce qui a rapport avec le fait de porter ce genre de porte-bonheur ou d'amulette ou de pièce pour se protéger d'un mal ou repousser un mal. C'est quoi la règle dans l'islam par rapport à ça, et c'est quoi la conséquence? Eh bien, sachez que celui qui affirme qu'il y a quelque chose qui peut être une cause pour repousser un mal ou ramener un bien, mais que cette cause ou ce moyen n'est pas supporté par la charia, et n'est pas non plus supporté par rien d'observable scientifiquement, que ça c'est quelque chose qui est une forme de shirk mineur. Le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. Il se divise en deux catégories. Il y a le shirk qui est majeur, qui est un des plus grands péchés, plus grand que les kaba'ir, mais qui ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Et il y a le shirk majeur, qui est le plus grand de tous les crimes et de tous les péchés, et qui fait sortir quelqu'un de la religion de l'islam complètement, à moins qu'il se repente. Donc celui qui porte une amulette, un talisman, et qui dit, c'est un moyen que j'utilise pour repousser le mal, mais qui ne croit pas que cette amulette, ou que ce porte-bonheur, ou que ce talisman a un pouvoir en lui-même, mais qu'il croit que c'est Allah qui lui a donné ce pouvoir, et que c'est un moyen valable pour se protéger d'un mal, celui qui le fait dans cette intention-là, il n'est pas sorti de l'islam, il n'a pas commis un shirk majeur, sauf qu'il a commis un shirk quand même, qui est un shirk mineur et qui est un très très grave péché parmi les kaba'ir. Tandis que s'il s'imagine ou il croit que de porter ce genre d'amulette ou ce genre de porte-bonheur ou ce genre d'objet et de talisman peut le protéger par lui-même en dehors d'Allah, et qu'il a un pouvoir en lui-même de repousser un mal ou de ramener un bien ou de protéger contre la maladie ou contre la sorcellerie ou contre le mauvais œil par lui-même, ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam complètement et qui le fait devenir mushrik, kafir. Et s'il meurt sur ça, eh bien c'est certain qu'il ira en enfer pour l'éternité et qu'il ne rentrera pas au paradis. Et il doit donc se repentir à Allah d'avoir fait ce genre de choses et cesser de le faire et revenir à la croyance du tawhid et à la compréhension de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alors prenez garde aux marabouts, aux sorciers, aux charlatans